le maître. Votre mari est-il couché? Il y a bel air. Il vous laisse causer comme cela. Nos maris sont aguerris. Madame de la Pommeraye monte dans son carrosse, court les faubourgs les plus éloignés du quartier de la Dénon, loue un petit appartement en maison honnête dans le voisinage de la paroisse, le fait meubler le plus succinctement qu'il est possible, invite la Dénon et sa fille à dîner et les installe, ou le jour même, ou quelques jours après, leur laissant un précis de la conduite qu'elles ont à tenir. Voici ce précis, ce que j'en ai retenu. Vous ne fréquenterez point les promenades publiques, car il ne faut pas qu'on vous découvre. Vous ne recevrez personne, pas même vos voisins et vos voisines, parce qu'il faut que vous affectiez la plus profonde retraite. Vous prendrez dès demain l'habit de dévote, parce qu'il faut qu'on vous croit tel. Vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion, parce qu'il ne faut rien autour de vous qui puisse vous trahir. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, jours de fête et jours ouvrables. Vous intriguerez pour avoir entré au parloir de quelques couvents. Le bavardage de ces recluses ne nous sera pas inutile. Vous ferez connaissance étroite avec le curé et les prêtres de la paroisse, parce que je puis avoir besoin de leur témoignage. Vous n'en recevrez d'habitude aucun. Vous irez à confesse et vous approcherez des sacrements au moins deux fois le mois. Vous reprendrez votre nom de famille parce qu'il est honnête et qu'on fera tôt ou tard des informations dans votre province. Vous ferez de temps en temps quelques petites aumônes et vous n'en recevrez point, sous quelque prétexte que ce puisse être. Il faut que l'on ne vous croie ni pauvre ni riche. Vous filerez, vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez et vous donnerez aux dames de charité votre ouvrage à vendre. Vous vivrez de la plus grande sobriété, deux petites portions d'auberge, et puis c'est tout. Votre fille ne sortira jamais sans vous, ni vous sans elle. De tous les moyens, des 10 filles à peu de frais, vous n'en négligerez aucun. Surtout, jamais chez vous, je vous le répète, ni prêtre, ni moi, ni dévote. Vous irez dans les rues les yeux baissés. À l'église, vous ne verrez que Dieu. J'en conviens, cette vie est austère, mais elle ne durera pas. Et je vous en promets la plus signalée récompense. Voyez, consultez-vous. Si cette contrainte vous paraît au-dessus de vos forces, avouez-le-moi, je n'en serai ni offensé, ni surprise. J'oubliais de vous dire qu'il serait à propos que vous fissiez un verbiage de la mysticité et que l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament vous devint familière, afin qu'on vous prenne pour des dévotes d'ancienne date. Ne manquez pas, à tort et à travers, dans toute occasion, de vous déchaîner contre les philosophes. Criez que Voltaire est l'Antéchrist. Sachez par cœur l'ouvrage d'un petit abbé et colportez-le s'il le faut. Madame de la Pommeraye ajouta : Je ne vous verrai point chez vous. Je ne suis pas digne du commerce d'aussi sainte femme. Mais n'en ayez aucune inquiétude. Vous viendrez ici clandestinement quelquefois et nous nous dédommagerons en petit comité de votre régime pénitent. Mais tout en jouant la dévotion, n'allez pas vous en empêtrer. Quant aux dépenses de votre ménage, c'est mon affaire. Si mon projet réussit, vous n'aurez plus besoin de moi. S'il manque, sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous en assurer un sort honnête et meilleur que l'état que vous m'aurez sacrifié. Mais surtout, soumission. Soumission absolue, illimitée à mes volontés, sans quoi je ne réponds de rien pour le présent et ne m'engage à rien pour l'avenir. Le maître, en frappant sur sa tabatière et regardant à sa montre l'heure qu'il est. Voilà une terrible tête de femme. Dieu me garde d'en rencontrer une pareille. L'hôtesse. Patience, patience, vous ne la connaissez pas encore.